Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui avec Daniel Herrero. Bonjour Daniel Herrero. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur les chemins de la philosophie. Le plaisir est incontestable. Vous avez entendu le haka, qui est une danse et un chant utilisé par les Maoris pour impressionner leurs adversaires et repris par l'équipe de rugby néo-zélandaise, les All Blacks, depuis 1905. Est-ce que vous êtes impressionné quand vous l'entendez ? Ce ne serait pas radicalement la sensation prioritaire. Je serais probablement ému, rarement en admiration de la chose, mais... Ah bon ? Impressionné, je ne crois guère, les hommes qui vont se trouver dans la réalité de l'affrontement que sera le match, et immédiatement derrière, dans ce rituel du haka, sont à la fois prêts dans le cœur et dans le corps pour l'aventure de la rudoyance sévère que sera le match. Et la mission de supposer, c'était le cas de votre propos, la mission supposée d'impressionner l'adversaire, je ne crois pas qu'elle soit le fond de l'aventure. Elle ne soit pas le fond, le cœur du haka, pour les initiés, je dirais. Pour la lecture première, ce rituel d'avant-match, comme ça, sur la terre néo-zélandaise, enfin, par les néo-zélandais, dont les fameux All Blacks, le rituel, il annonce quelque chose, à mon sens, de plus élaboré que « fais attention, je vais te couper en tranches tout après-midi mm-hmm. ». Voilà, c'est quelque chose de plus, à mon sens, plus élevé. En deux mots, je crois que le All Black, quand il hurle, et c'est effectivement pas un cri, Adèle, tu ne l'as pas dit, c'est effectivement pas un cri, c'est probablement pas non plus une vocifération anodine, il annonce, je crois, au monde qu'ils sont fiers de leurs anciens, qu'aucune équipe ne sera grande si elle ne respecte pas sa morale et sa culture, et que dans l'après-midi, aujourd'hui, si tu as accepté de te trouver contre eux, sache quand même que l'affaire va être pénible pour toi. Mais ça veut dire que le rugby est aussi une affaire de morale ? Alors, probablement. Alors, il faut quand même qu'on définisse le rugby. Ah ben, je vous en prie. Mais le rugby est un jeu, est une pratique physique, corporelle, structurée quand même à travers le temps. Elle n'est pas anarchique totalement, elle se joue pas dans un pré abandonné au fin fond d'une campagne, ou elle s'est jouée probablement dans les anciens, quoi, tu vois. Mais cette pratique-là, c'est structurée à travers le temps. Et si elle s'est structurée, si elle s'est organisée, si elle s'est socialisée, si elle s'est inscrite dans différents types de processus sociaux, quoi, le processus scolaire, le processus universitaire, le processus d'acquisition, je dirais, d'un certain nombre d'attributs propres à l'homme, quoi, la coordination, la vitesse, et peut-être même vers le champ des relations humaines, peut-être même vers le champ des socialisations humaines dans les rudesses du monde. Enfin, tu vois ça, fatalement, le sens profond, il s'est assez vite, non pas enrichi, mais il s'est affirmé, titulaire d'une morale. Il s'est affirmé. Le jour où ça s'est structuré, ça remonte grosso modo... C'est quoi, c'est le 19e siècle ? Voilà, au début du 19e, on dira... Mais grosso modo, tout le 19e, parce que même à la fin du 18e, il y a déjà les prémices, ça s'articule, tu vois. As-tu entendu parler, je sais pas moi, des country games anglais peut-être, ou anglo-saxons ? Bah raconte-nous. Bah grosso modo, nous gens des terres d'Europe continentale, je dirais, ou probablement de France, on avait une pratique étrange... Nommer la soule, ça te dit peut-être, pratique de campagne, pratique essentiellement rurale, pratique très très rudoyante dans des immenses espaces, ou des grands groupes divers, groupes de villages, parfois groupes purement, je sais pas si on dirait sociaux, mais tu vois, les célibataires de tel village contre les mariés de tel autre, les je sais pas moi, les matures contre les tendrons, tu vois, ouais. de différentes zones, ou peut-être même les bourgeois, ceux du bourg contre les petits paysans, ceux du petit pays, qui s'affrontaient comme ça dans des grandes terres, quoi. Une fois dans l'année, jour de carnaval sans doute, une autorisation un peu religieuse, allez, vous pouvez vous filer un peu sur la tête, vous pouvez vous rentrer un petit peu dedans, vous pouvez peut-être même de façon cathartique un peu régler un certain nombre de choses. Oh là là, tu vois, ça quand même, ça remonte à très très loin. Et les country games anglais, ça, ils existent partout sur les terres anglo-saxonnes. Ça existe en Écosse, en Irlande, en Angleterre, mais ça remonte à loin, je ne sais pas bien le définir dans le temps. Mais les pratiques qui, de temps en temps, collectives, et ça, il y en avait quand même relativement peu, les pratiques collectives, c'est-à-dire on est des grands groupes, des groupes, oui, plus ou moins grands, et sans nombre, qui s'affrontaient, ça existe depuis longtemps. Mais c'est au 19e quand même que, pour X raisons, peut-être qu'on va appréhender, quoi, quand même. Est-ce qu'on pourrait considérer que pour un humain, si on le met dans un processus éducatif, c'est-à-dire on va essayer de le faire grandir, on va essayer d'accompagner dans son développement, est-ce qu'on pourrait considérer que le groupe aura un rôle à jouer? Il serait peut-être intéressant donc que l'on trouve, ou que l'on fasse émerger, ou que l'on structure des activités de groupe sur le champ intellectuel, sur le champ de la pédagogie classique, transmettre des savoirs. On voit à peu près, quoi. Mais est-ce qu'on peut aussi envisager de faire participer le corps, l'aventure, le corps, quoi. Est-ce qu'on peut l'inviter aussi à pas forcément à se développer, à faire partie du process dans son ensemble, quoi. On peut pas oublier le corps quand on veut élever ou faire grandir ou accompagner un enfant, un adolescent ou une pratique, différents types de pratiques, mais des pratiques se structurent. L'école anglaise va intégrer probablement un peu le champ du corps, et dans le champ du corps on va structurer des jeux un peu plus structurés. Eh ben, le rugby, ça va faire partie d'une de ses pratiques. Et il va se structurer pas n'importe où. Là, tu sais peut-être, Adèle, que je ne sais rien. Non, rien, si. Ben, le nom de rugby, c'est le nom d'une ville du nord de l'Angleterre. Donc, c'est une petite ville, rien de spécifique. Elle est un tantinet branchée sur la ruralité. Et là, évidemment, quand même, c'est une cité. Elle a 80 000, elle a 60 000 habitants, mais elle a un très grand collège. Elle a une grosse structure éducative depuis des lustres. Un peu de la up middle class anglaise. Et c'est là que l'histoire ou la légende va raconter que on va structurer une pratique récréative et ludique, mais incontestablement à mission éducative. Et ouais, et ça, on reviendra là-dessus parce que vous insistez beaucoup. Daniel Herrero, vous avez beaucoup écrit de livres, vous avez fait des dictionnaires amoureux du rugby, dictionnaires amoureux de l'Ovalie, vous écrivez aussi beaucoup sur les voyages, votre autre passion. Et j'allais vous présenter comme ancien joueur et entraîneur de rugby, mais vous présentez comme éducateur entraînant. Il n'y a pas radicalement de la modestie dans la formulation, tu vois, mais je me ressens authentiquement comme tel. Éducateur. Et je vois bien, alors, le concept d'éducateur, quand même, lui, il a fait sa route, je dirais, et il s'épuise pas, ou il s'abîme, enfin, il souffre de percussions diverses autour du concept d'éducation, quoi, d'éduquer, tu vois, de transmettre, d'accompagner, d'éveiller les curiosités, les savoirs, enfin, bon, ce champ-là, il est malgré tout assez répertorié. Mais je ne peux pas concevoir, pas uniquement sur et mon âme et mon goût du monde et mon goût de que sera ma route, quoi, ou quelle est ma route, ou quelle sera encore dans le futur ma route. Je ne peux pas le concevoir autrement que associé au concept d'entraînant. Alors sans doute, Adèle, sais-tu que une partie conséquente de mon chemin, non pas professionnel, mais de vie simplement, il était entraîneur. C'est un drôle de mot. Parce ouais. Il intègre probablement le concept d'éducation, mais en même temps, il en intègre d'autres. Tu vois et ce mot d'entraîneur, pour moi, lui, il a une authentique force. Parce qu'entraîneur, ça sous-tend entraînant. Et j'y vois le cœur. J'y vois le cœur de l'aventure éducative, moi. Donc, honnêtement, et en toute modestie, je me sens de la catégorie. C'est pas un métier à mes yeux, mais de la catégorie de cette mission, tout autant que fonction, mais mission, d'essayer, à travers des sujets sur lesquels on va parler, mais d'essayer de contribuer à générer du mouvement, et peut-être même générer du mouvement, tu vois, entraîne, quoi. Oui, c'est ça, parce que la différence entre entraîneur et entraînant, c'est que celui qui est entraînant, il transmet son entrain, c'est ça? C'est ça. Et même, il transmet son entrain, incontestable. au cœur de l'aventure, enfin, cœur du sujet, cœur de la préoccupation, cœur de l'énergie déployée. Et en même temps, en train, il y a le mouvement. Il ne faut pas considérer, pour ce qui est du regard que je porte sur la mission d'éducateur, qui reste la mission peut-être fondamentale pour moi, je ne peux pas considérer autrement qu'elle soit aussi avec de l'entrain. Et l'entrain, il aurait quelque chose un peu autour autour de la joie, autour de la jovialité, autour de la pétance, autour de, tu vois, autour de la gratification, autour de la conquête vers la joie. Ce champ-là, voilà, il me semble au cœur de l'aventure de l'éducateur. Donc moi, je me sens honnêtement, depuis toujours, et aujourd'hui encore, et je pense encore pour un bout de temps, un éducateur entraînant. Ce que vous ou moi avons appris dans les sports collectifs, c'est une chose essentielle. La première, c'est que au moment où on s'adonne à l'exercice le plus violent, on peut s'arrêter en une seconde parce que l'arbitre a sifflé. Cela, premièrement, me paraît important, c'est-à-dire ça met la loi au-dessus de la violence. Et ça, si vous n'avez pas appris ça, vous n'avez rien appris, vous n'êtes pas un être humain. Deuxièmement, c'est le rapport à autrui. C'est-à-dire, je peux, en rugby, attirer la défense sur moi pour libérer autrui. C'est-à-dire, je prends le plus de choc possible pour que l'autre n'en ait pas, dans l'évitement. Et par conséquent, je prends le rôle de victime et je donne à autrui celui de victorieux, ce qui est la générosité même. Vous voyez que les sports collectifs apprennent dans le corps des morales, le droit, donc le droit, l'arbitre au-dessus de la violence, ça c'est le droit, la justice, et deuxièmement la générosité, c'est-à-dire la morale. Et immédiatement, une activité du corps collectif devient beaucoup plus noble qu'on ne le croit au premier abord. Vous écoutez France Culture, les chemins du vendredi, cours particulier aujourd'hui en compagnie de Daniel Herrero. On parle de rugby, d'éducateur entraînant qu'il est, et vous avez peut-être reconnu la voix qu'on vient d'entendre. Daniel Herrero, c'était qui ? Oh, je ne veux pas dire c'est la voix de mon maître, mais je peux prononcer le mot, et je le prononce pas facilement, mais pas aisément, mais ou pas naturellement non plus. Donc c'est la voix de Michel Serre. Vous savez qu'il est parti vers les étoiles il y a maintenant un an. Je sais qu'il avait à la fois pour ce lieu et pour vous, en l'occurrence Adèle, une authentique affection. Et de fait, je le considère, oui, comme mon maître. Ce monsieur, j'aimerais dire mon ami, mais... Et un peu les différences d'âge, et sans aucun doute un peu les différences de posture sociale, enfin bon, et puis les différences de tout d'ailleurs, font que je peux pas prononcer le mot de mon ami, mais incontestablement, une attache forte. Et, oui. Il m'arrive de penser, et le pourquoi de la tâche, et le pourquoi de l'attachement, comme dirait Boris, tu vois, et le pourquoi de l'attachement, Boris. Boris Cyrulnik, qui fait partie aussi un peu des amis de cette c'est maison. Vrai. Voilà, et à partir du moment où, sans doute, avait-il une affection ovale, je dirais, fécondée dans son territoire agenais. Il a grandi dans un lieu où l'ovalie, où l'ovale... À Agen. Agen, ouais. Son territoire agenais, ouais, Agen, donc. Et il avait lui-même pratiqué ce jeu. Il en avait extrait, je pense, les sèves nourricières, quoi, tu vois. Mmh. Traversant ce jeu, il en avait pris une authentique estime sans aucune conceptualisation initiale. Ah, il n'a pas réfléchi. Bon, il a beaucoup aimé ce jeu, je pense. Et même, peut-être, Adèle, ça peut parler, dans son immense, j'allais dire, œuvre, hein, ce monsieur a écrit une soixantaine d'œuvres, presque toutes plus conséquentes les unes que les autres, avec des degrés divers quand même, notamment sur la femme. Mais de fait, il a toujours considéré que ce jeu avait une grande, j'allais dire, noblesse, je pense. Ouais. Et dans un de ses ouvrages, tu vois, qui s'appelle Variations sur le corps, au milieu de l'œuvre, quoi, il y a une vingtaine d'années, il avait mis une dédicace, une ouverture, hein, qui était je dédie cette réflexion à mes profs d'éducation physique et à mes entraîneurs de rugby qui m'ont aussi appris à penser. Exactement, parce la percussion fut pour moi foudroyante. Ouais. Parce que dans son livre Variations du corps, justement, il fait du sport un moyen de connaissance privilégié. Et dans l'extrait que vous avez entendu, c'est un extrait sur France Inter en 99, il dit beaucoup de choses très intéressantes par rapport au rugby, notamment cette idée selon laquelle, dans le rugby, c'est pas tellement le lieu de la violence. On associe beaucoup le rugby à un sport violent. Il dit c'est pas la violence, c'est la force, et surtout, c'est le fait d'ériger une loi au-dessus de la violence. Et ça, c'est un point sur lequel vous insistez beaucoup aussi, Daniel Herrero. Ah ben oui, parce que là nous sommes au cœur à la fois du process qui s'entame quand tu rentres dans cette pratique, qui s'entame sur les autres, l'affrontement structuré, organisé, légiféré. C'est ça. Mais en même temps, incroyablement libéral. Tu peux aller au bout. Sur un terrain de rugby, Adèle, t'as la balle et on peut te tomber à 15 sur le rable. Et je ne veux pas dire te finir à l'ancienne, mais il y a une, c'est une métaphore un peu suspecte, mais il y a une authentique potentialité recevable d'usure de l'adversaire, pour ne pas dire de destruction de l'adversaire. C'est au cœur de l'histoire. Donc là, c'est de la violence. On tient vite, là. Simplement, il va y avoir un cadre. Et en même temps, donc, des règles. Et là, nous rentrons dans une institutionnalisation des choses. Le jeu de rugby est un jeu incroyablement institutionnel. Son cadre légal, légiféré, il est colossal. Il y a 140 règles. Ah bah, je vous le confirme. Oui, j'ai essayé de réviser pour cette émission. Il y en avait tellement des règles. Je croyais m'y connaître. Mais alors, je me suis rendu compte que j'en ignorais la moitié. Mais peut-être, Adèle, on y reviendra parce que, de fait, il y en a, on dira 150 ou 180. Et de fait, il y en a 4. Ah oui. Qui te permettent de comprendre, le lire, même, peut-être même de goûter. Tu vois, ou de savourer le jeu en pratique et en observation. Il y en a 3 ou 4. Elle représente 85% ou 90% du déroulement du match. Après, il y en a 140 qui servent peu, enfin, qui servent. Bon, enfin, non, juste l'idée, c'est que, c'est tout le sujet. Alors, Michel Serres, bizarrement, il y vient pas, mais le concept de violence, bon, ça reste, lui, une préoccupation essentielle. Un de sa vie, je dirais, quoi. Tout ce qui a mené la destruction de l'homme a été pour ce monsieur, notre maître, tu vois, une permanence de réflexion, quoi. Mais là, dans le jeu de rugby, il se rend bien compte que il y a violence et agressivité. Ou il y a violence, je ne dirais jamais virilité, mais il y a violence et rudesse. Tu vois, il semble que la violence, c'est la transgression des lois. Il dit, dans ce jeu, tu peux faire énormément de... Si tu transgresses les... Alors, les lois, on va t'en donner quelques-unes. Tu peux être en liberté sur le corps de l'autre, y compris en groupe, à condition que tu n'aies pas la volonté délibérée de le détruire. Que tu n'en aies pas la volonté de libérer. La protection de l'homme va mettre... un souci moral du législateur, quoi, tu vois, j'allais dire, de celui qui va penser quand même l'institutionnalisation du jeu. Quand tu rentres là-dedans, tu peux presque tout faire, mais pas tout. Et surtout, tu ne peux pas tout faire dans ta tête. C'est-à-dire ? Eh bien, s'il y a une suspicion, tu vois, s'il y a une suspicion de transgression, s'il y a une filouterie, tu vois, une méchanceté délibérée, qui apparaîtrait délibérée, mais qui serait encore dans le cadre des lois, elle peut être suspendue. Je te donne un coup de genou au sol, tu vois, maintenant c'est radicalement interdit. On sentait bien qu'il y avait une équivoque, ça dépendait comment tu l'avais fait, quoi. Si c'était une loi du talion, t'étais au frigo. Si c'était un accident de parcours, c'était toléré. Tu as vu sans doute quand tu étais petite, tu vois, et ça agitait, j'allais dire, la conscience des profanes, comment sur un terrain de rugby, les mecs se piétinent. Ouais. Tu voyais des tas, des gros tas, des énormissimes tas. C'est le rucking, c'est ça ? Pardon ? Rucking, c'est ça ? Ah ouais, alors le rucking, ouais, voilà, bon, on dira ce mot-là. Ouais, mais bon, il intègre ça. J'ai peu d'affection pour les mots anglais, mais enfin, le piétinement, de fait. Le piétinement. Il y a quelqu'un qui est par terre, ou il y en a plusieurs par terre, et tu pouvais arriver. Alors, il y avait une condition. Il fallait quand même que ta préoccupation, ce soit de libérer la balle. Parce que s'il faut protéger l'homme, il faut aussi protéger la vie de la balle. Et toute forme de piétinement, il y a une tolérance colossale. Puisqu'on estimait que le piétinement, c'était pas un coup de pied, quoi. Et que si tu marchais sur quelqu'un, du haut vers le bas, tu vois ça? Quand tu cours, du haut, ton pied va du haut vers le bas sur la couane d'un belligérant qui se trouve dans le camp adverse. Si tu lui marches dessus, il y avait une tolérance. Longtemps, et aujourd'hui presque encore. Par contre, si ton pied il va de l'arrière vers l'avant, tu vois, c'est-à-dire grosso modo, là, c'est la gestuelle, ton pied l'élan, quoi. C'est un coup de pied à l'individu au sol, t'étais radié pour la vie. Donc la première préoccupation, c'était essayer de trouver un cadre légal qui permette l'approche de la haute rudesse, et même presque de la sauvagerie, enfin le sauvage, le mot, mais alors pris dans son sens presque initial, quoi. On doit aller haut, on doit aller le plus haut possible dans l'engagement. Tu vois, dans la liberté de l'énergie, dans la rudesse de l'affrontement, on doit aller haut, et on doit y aller avec la loi. Avec la loi. Sans aucun doute, une loi qu'on a quand même mis de plus en plus, 150 règles aujourd'hui, quand même, qui ont pour aussi mission de tu vois, pendant longtemps, si je te plaquais, j'ai t'attrapé, même avec ma main dans la zone du cou, par exemple, longtemps, c'était presque toléré. On appelait ça une manchette, une cravate, enfin, bon. Mais il y avait des tolérances, longtemps, 120 ans. Tu vois ça maintenant. Là, maintenant, on se rend bien compte que ça, c'est devenu dangereux dans le jeu d'aujourd'hui, dans le jeu contemporain. Donc, il y a une moralisation des règles de rugby. Et d'ailleurs, c'est ce que... Toujours sur le thème violence et liberté. Voilà, c'est ça. D'agressivité. Violence, enfin, transgression de la loi et respect de la loi. Michel Serres dit, ce jeu est une sublime aventure humaine parce qu'il apprend aussi à respecter les règles. Mais c'est ça qui est magnifique, et même dans l'archive, il parlait de générosité. Il dit, dans ce jeu, le rapport à autrui est tel qu'on peut le faire passer de victime à victorieux. Ça, c'est un acte de générosité et c'est là que se situe la morale. C'est ce qu'il affirme. Absolu. C'est ce que enfin, nous affirmons. Et il nous est de satisfaction, tu vois, de joie qu'un, j'allais dire qu'un penseur, qu'un philosophe, qu'un humain, un simple humaniste, tu vois, ait pu traiter la lecture comme ça. Mais là nous sommes non plus dans le champ des lois. Le champ des lois, il structure la pratique. Et quand même, il te met quelques petits garde-fous pour que la balourdise humaine ne se transgresse pas et que la grandeur de l'humain reste malgré tout dans ce champ-là. Mais, et il vient, et il le met effectivement en source, il le met en sens. Donc il le met en philosophe. Il essaye de s'approcher le plus possible de l'inexpliqué, de fait. Pourquoi c'est beau de se sacrifier? Pourquoi? Pourquoi c'est beau de pulser ou d'impulser dans ton courage, il va falloir encore définir, mais pour faire en sorte que ce que tu vas donner à l'aventure, ça donne du bonheur aux autres. Oh putain. Et gros, pourquoi l'aventure du groupe va dans cet espace-là et dans ces règles-là, mais surtout dans sa configuration-là, tu vois, un petit territoire, un grand groupe, assez grand groupe sur un petit territoire, un face-à-face. C'est cette petite structuration minimale, là où il y a les règles de base, cette structuration, elle va inviter à ce que tu ailles toujours, sans t'en rendre compte, chercher quelque chose autour de la zone du courage. Et tu ailles toujours, sans t'en rendre compte, en le passant comme une étape, non pas obligatoire, mais un flux, évident, tu vas y passer. Sur l'autre, il est à côté. Tu vas y passer sur l'autre, il est devant. Tu vas y passer sur... Tu vas te mettre derrière l'autre pour pas qu'il ne se retourne une seule fois et qu'il sache que tu y es. Tu vois ça? Ouais. Tu vois ça? Et il va donner cette impulsion dans la zone. Et Michel Serres, il dit, oh putain. Et là, ouh. Alors là, on chauffe sur... Lui, il dit très vite le mot de générosité. Moi, je vais plutôt un peu sur solidaire. Il chauffe sur le champ du solidaire. Il chauffe sur le champ de ce passage-là, un peu dans le jeu. T'es seul, quand même. Il y a tous les collègues, mais enfin, c'est toi qui prends la décision. C'est toi qui prends la décision de ton courage. Et pourtant, c'est un sport collectif. Et pourtant, c'est un pléonasme. Ah oui? Sport collectif, le rugby, c'est un pléonasme. Le rugby, c'est un seul mot, sport collectif. Tu vois, le rugby, il n'a que peu d'intérêt dans toute la zone individuelle. La passe au rugby, Adèle, je t'assure, avec les deux collègues qui sont derrière la vitre. Non, mais tu vois, la technique du rugby, on s'y met un quart d'heure dans le couloir. Je pense que déjà, on se dégrossit correctement. Hein. Alors, à ceci près, d'ailleurs, on va y venir justement, que le ballon de rugby a cette forme ovale qui fait qu'il est susceptible de provoquer des rebonds inattendus. Et alors, les philosophes qui se sont penchés sur le rugby, il y en a eu plusieurs, mais aussi les artistes ont vu dans ce rebond inattendu la figuration du hasard. Le rugby serait une manière d'essayer de conjurer le hasard. C'est ce que dit, figurez-vous, le peintre Pierre Soulages, qui compare l'inattendu de son geste à l'inattendu du ballon de rugby. Écoutez. Pour moi, dès le départ, ce qui m'a plu dans le rugby, c'est que le ballon était ovale. Ça a l'air idiot, mais c'est capital. Parce que dans la forme, il y a l'inattendu. Et l'inattendu, c'est ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse dans la peinture, tous les jours. Moi, ce qui me plaît, c'est de rencontrer ce que je n'attends pas et sur lequel peut s'échafauder une construction. Et c'est comme ça que mes tableaux fonctionnent, d'ailleurs. Quand je commence à faire un tableau, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est un événement qui, pendant que je peins, se produit, qui déclenche la suite. Ça ressemble davantage à du rugby. C'est dans la conception même, dans la racine même de ce jeu, que je retrouve dans le ballon ovale, dans le rebond inattendu. Magnifique, Daniel Herrero, d'entendre Pierre Soulages comparer sa pratique de peintre à celle du joueur de rugby. Ah ouais, j'aime d'amour l'analyse, ouais. Et j'aime même d'amour ce monsieur, mais, ah, mais précisons aussi que ce monsieur est de Rodez. Oui, c'est ça, tu vois, que la terre, pareil à Rodez, elle vibre autour de l'Ovalie depuis des millénaires, enfin, ou tout au moins depuis des siècles. Et donc, Pierre Soulages, qui est une grosse caisse, un grand gaillard, et en même temps, un affectueux des choses de la création, et même des choses de l'enthousiasme physique, en l'occurrence, donc, c'est un authentique amoureux du rugby. Mais, évidemment, j'aime l'idée, alors, l'idée séduisante. Mais lui, il faut qu'il arrache, je trouve, tu vois, pour se l'approprier. Mais quelle idée de l'inattendu. Ouais. Sur un terrain de sport, en l'occurrence, un sport collectif en particulier, et en rugby totalement, l'inattendu, il est à chaque mètre. Il est à chaque instant. Quelle que soit ta trajectoire, elle sera jamais la même. Quelle que soit la façon dont tu manieras le ballon, il est probable que ce sera jamais le même, en fonction de ce que tu vas avoir devant toi. C'est la raison pour laquelle s'entraîner en rugby, c'est difficile. S'entraîner en peinture, c'est difficile. Tu peux monter tes gammes, mais en même temps, après, il faudra sortir chaque fois. À la fois, par épreuve de courage, et en même temps, par épreuve de maîtrise technique, tu vois, il va falloir sortir le geste juste. Et le geste juste, il est quasiment de presque tout le temps imprévisible. C'est-à-dire, l'angoisse de la réponse te persécute sur un terrain de sport, sur un terrain de rugby en particulier. Lui, il dit, moi, quand je pars, je sais pas où je vais. Apparemment, il se martyrise pas le ventre, quand même. Parce qu'il reste un peu dans... Non, tu vois, il reste quand même un peu dans les noirs, et sans doute un peu dans les noirs lumineux. Bon, malgré... dire qu'il a une zone de confort. Ouais, il a quand même une zone de confort. Je lui en ferai pas reproche. D'autant que j'aimerais bien en avoir un à la maison, tu vois, mais. De soulage. Voilà, mais un soulage, on parle, ouais. Évidemment. Mais on aime bien l'idée que quand il y va, eh bien, il y va, j'allais dire presque à la totale intuition, ou à la totale émotion, ou à la totale gestion de sa gestuelle, il gère sa gestuelle à partir de ce qu'il ressent dans l'instant. Ah. Je trouve ça sublime. Je trouve, par définition, l'épreuve créatrice, ou la preuve créatrice absolue de son champ artistique, quoi. Lui, tiens, c'est un peintre, quand il y va, eh ben, il y va à la découverte, il y va à la sensation, il y va au goût de la salive, il y va à l'émotion qui lui barbouille le ventre, il y va au regard, tu vois, que naissent dans ses rêves. Oh, j'adore ça. Maintenant, et le sport porte un peu ça. On a quelques difficultés à se forcer pour trouver des analogies avec le champ sportif. Moi, j'ai longtemps pensé que le théâtre pouvait être un domaine, tu vois, le champ théâtral, notamment le grec, enfin celui où quand tu vas sur, ben, grosso modo, on dira les classiques, mais où quand tu vas sur la scène à la fois pour porter un peu ton histoire, ton âme, la transformer, te reprendre quelqu'un d'autre, grosso modo, quand il y a malgré tout quelque chose qui ressemblerait pas non pas à une thérapie, mais à une éducation, au champ, tu vois. Ouais. Voilà. Peu. Mais que Soulages, par exemple, qui est quand même notre plus grand aujourd'hui sur la terre française, tu vois, que Soulages, ose nous dire, avec conviction. Mais oui, le rugby, de fait, c'est un art. C'est un art. Et je pense que le peintre peut être aussi un bel acteur avec son corps. Voilà. On va retourner, on va aller sur le terrain un instant. Ça va vous rappeler des bons souvenirs, Daniel Herrero. Et la balle à l'avantage du PAC Toulonnais qui progresse. Il va libérer la balle pour Gallion. Covi. Très long, ah ouais, c'est bien joué. Dans les bras. Mais ça va arriver sur Pouillot. Pouillot, à moins que la balle n'arrive en touche, c'est ce qu'elle fait. Et voilà, c'est là que le match a basculé. Et voilà, et Toulon est champion. Toulon est champion. Toulon champion de France. Bravo pour les Toulonnais. Ah oui, bravo, depuis le temps qu'ils attendaient cela. C'est une grande joie pour eux, on les comprend. Ils ont dominé le championnat, il faut le dire. Faut être honnête, même s'ils en sont vus dans quelques phases éliminatoires, dans l'ensemble de la saison, c'est vraiment le meilleur qui est champion aujourd'hui. On est en 1987, Daniel Herrero, et le club de Toulon, dont vous êtes l'entraîneur à l'époque, devient champion de France, je crois, 56 ans après la dernière victoire du club. Oui. Donc j'imagine que c'est un moment de fierté pour vous, mais surtout ça nous amène à un autre point. On parle de morale, de générosité, d'éducation, d'art. C'est aussi une compétition, le rugby. Le but, c'est de gagner, non ? D'être le meilleur. Dans le mot compétition, ça va l'intégrer, le sens de la victoire. Mais ça va l'intégrer tardivement, de fait. Hein. Tardivement. La compétition, c'est se mesurer à l'autre. C'est être avec l'autre dans une aventure d'opposition. J'ai toujours été sensible depuis longtemps, et depuis historiquement, et je pense que même tous mes frères ovales, j'ose penser tous mes frères sportifs, ont tout autant de considération pour la victoire, tout autant de considération, donc pour la victoire, pour la performance, pour la gloire générée par ces bonheurs-là ou ces vibrations-là, mais en même temps une très haute considération sur la qualité de la chose produite, la qualité de l'événement, la j'allais dire la, je ne veux pas dire la beauté, mais la noblesse de l'œuvre. tout autant considéré, honnêtement, et aujourd'hui encore, hein, rentre dans quelconque débat d'observation du match et ensuite du classement que va faire naître le match. Bon, ils ont gagné, ils sont premiers ou ils ont perdu, ils sont troisièmes, tu vois ça. Mais très vite, on peut pas dire avant ou même pendant, il y aura, putain, c'est un beau match. Ou alors ils ont, tu vois, ou alors tu l'as vu un tel, ou qu'est-ce qui s'est passé à la 36e minute, je sais pas moi, je prendrais à titre d'illustration comme ça, de peut-être même d'anecdote. Il y a si peu de temps, les Français jouent, ont guerroyé en Ovalie le coq de France contre la rose anglaise, tu vois. Oui, bah, le week-end dernier. Le week-end dernier, voilà, c'est une turbulence toujours sociale et sportive. On a failli gagner jusqu'à quelques minutes. C'est ça, trois minutes de la fin, on est encore devant, le coq enfin turgescent, tu vois. Ça fait longtemps que quand on jouait sur le pré anglais, on n'arrivait pas à les tordre. Et là, trois minutes de la fin, on est devant, et puis finalement un petit événement de jeu, événement de match, l'anglais vient nous battre à 3 minutes de la fin. Bon, mais très très vite, il est sorti un peu mince, on avait le grand chelem en perspective, tu vois, toutes les glorioles sociales qui peuvent naître d'une performance, mais en même temps, c'est un bon match. Oh. C'était un très beau match. C'est un beau match. Donc ça compte, c'est ça. Ah, c'est ça pas compte. Juste de gagner. Le beau match. Ça compte plus que ça. Je vais revenir sur le concept de compétition. Ouais. Mais il intègre fatalement ce concept de compétition. Il intègre une idée, c'est qu'on est, c'est duel, quoi. C'est duel. Il y en a deux, quoi. Alors deux équipes, deux groupes, deux personnes, mais c'est duel. Et c'est du duel qui se mesure et qui s'oppose et qui s'affronte. S'opposer, c'est un truc. S'affronter, c'en est un autre, déjà. Tu vois, quand tu dis affronter, front à front, on va quand même aller un peu dans le champ des rudesses. Le jeu de rugby en l'occurrence, on n'est pas radicalement dans la dynamique guerrière, mais on est peut-être dans la queue historique, ou alors l'âme initiale, non pas dire guerrière, mais d'affrontement quand même, où à la sortie il va y avoir un vainqueur. Ah. Ça, c'est... Et après, on sait qu'on peut être particulièrement ignoble pour être dans la performance. On en connaît tellement qui sont référencés performants, y compris. Enfin, je parle du sport, là. Mm-hmm. Mais tu vois bien comment les analogies sont assez fastoches. Quoi, tu vois, ouais, tu as gagné. Mais alors, putain. Non seulement tu es laid, non seulement t'es pas beau, non seulement t'as pas belle âme, non seulement t'es frelaté, non seulement t'es fétide, tu vois, non seulement t'es un ennemi de l'espèce, tu vois, bon, de l'espèce humaine, j'en ai. Bon, tout ça, ça me préoccupe évidemment, quoi. Mais quand même, reconnaissons, évidemment, et alors dans les temps contemporains, d'où le sujet, hein. Dans les temps, on dira, je sais pas, moderne, quoi. D'ailleurs, du 19e et 20e siècle, pratiquement toutes les pratiques sportives et le rugby en l'occurrence, c'était des espaces de rencontres, d'échanges, de mesures et même de convivialité en ayant avec un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, en rugby, la troisième mi-temps est aussi importante historiquement. C'est quoi la troisième mi-temps? Mais la troisième mi-temps, le concept, il est pas de Michel Serres, mais il aurait pu, hein. La troisième mi-temps, c'est, les deux premières mi-temps, tu vois, quoi. Il y a un match, il y a un temps déterminé, voilà, il y a 80 minutes d'affrontement qui va donner une pratique et puis des résultats. Et puis, l'âme des agapes, comme diraient les maçons qui sont aussi au cœur de l'aventure du rugby et sa construction, y compris sa morale. L'âme du jeu va déboucher sur la convivialité poste. On s'est mesuré, on s'est affronté, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on en parle, il faut qu'on échange, il faut qu'on goulaye, tu vois, il faut qu'on pétarade. Et c'est possible, il faut qu'on parle, il faut qu'on mette les mots sur notre pratique. Les deux adversaires, qui n'étaient de fait que des partenaires. La compétition, c'est une rencontre de partenaires adverses, dont aujourd'hui on pense parfois, tu vois, et c'est un des drames, et des lourdeurs, et des indigestions de l'aventure sportive, que l'autre qui joue contre toi, c'est un ennemi, quoi. Bon. La troisième mi-temps, c'est les deux équipes qui se retrouvent après. Ça, c'est historique. Faire la fête ensemble. Voilà. C'est historique. Tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, ces pratiques-là, cette pratique-là, génère quasiment une obligataire morale. Tu vois, c'est-à-dire, on a joué le match, on a toujours construit au 19e et au 20e siècle, on a toujours construit prioritairement un club house avant le stade, de fait. Le stade est le prétexte du club house. Le club house, c'est le lieu du club. Tu vois, la maison où on se retrouve après la pratique, quoi. Voilà. Et ça, une considération colossale. Colossale. L'agape, le lieu de l'échange, le lieu de la libération de la parole. Mais libérer la parole est difficile, à plus forte raison, quand tu l'es passé pour exprimer à la fois ton tempérament, ta nature et ta qualité, que t'es passé quand même presque par l'aventure physique, quoi. Tu vois ça? Ouh, parlons. Mais parler est lu et dur. C'est pas, Adèle, à toi que je vais dire, le chemin complexe de l'acquisition. Tu vois, de la libération de la parole, peu importe le sens de fait, mais au moins, tu vas y aller, quoi. Alors, de culture aussi, et il apparaît que dans le convivial, celui qui permettra le mieux la libération de la parole, il va y avoir le chant des festifs. Le rugbyman, traditionnellement, chantait un peu le chant choral notamment, chantait son histoire, son lieu, son pays, son, et je dirais pas buvait, mais ça friolait un peu le neurone en taquinant le gorgeon tranquille. Tu vois ça? Ça friolait un peu le neurone. Ouh. Donc la compétition, malgré tout, est la grande chance, tout en étant potentiellement la grande douleur. Mais elle est la grande chance de l'aventure sportive, et notamment du rugby. Parce que nous, c'est dur. Hein. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Et ça fait beaucoup plus mal que ce que ça fait de bien pendant. Hein. Ça fait beaucoup... Ah, parole. T'as rendez-vous douleur-souffrance comme deux amantes terribles et merveilleuses. Tu vois, non, franchement, tu les as là. Hein. Tu rentres sur le terrain, dans la minute qui suit, t'appelles ta mère. Hein. Oui, mais le joueur recherche ça. Alors, oui, alors... Alors, peut-être qu'il y a un plaisir de la souffrance. Voilà. Alors après, nous sommes sur la gratification qui nous apparaît ni sadique ni majociste, la gratification de la conquête par la rudesse des formes de bonheur dont tu les mets quand même qu'en hypothèse. Oui, c'est ça. Tu les mets quand même qu'en hypothèse. Donc, mais la compétition a le sublime de te faire rencontrer à l'autre et en te faisant te rencontrer, peut-être te mesurer à l'autre, malgré tout, elle t'invite à te situer. Pour moi, la chaleur équivoque de la compétition, c'est qu'elle te permet de te situer en groupe. En groupe, plutôt dans l'aventure sociale. Elle permet de te situer en amour avec tes partenaires. Tu vois, c'est cette zone-là qui est la plus stimulée. Et avec toute la famille, des adhésions, des étirés, des fractures, des fissures, des déchirures, des effervescences, des farandoles et des désastres. Cette famille-là de ton groupe, quoi. Là, l'équipe a sa richesse. La pratique de la compétition vient là. Il n'y a pas de définition d'équipe sans compétition. Désolé. En 1995, c'est une date clé pour l'histoire du rugby. Quelque chose se passe, le rugby devient professionnel. Beaucoup de personnes regrettent cette professionnalisation du rugby. Parmi elles se trouve, vous l'avez cité tout à l'heure, Boris Cyrulnik. Je serais très malheureux si le rugby passait au professionnalisme ou si le rugby disparaissait. S'il passe au professionnalisme, j'ai peur qu'il devienne un peu comme le football, c'est-à-dire que on va en faire un beau spectacle dépourvu de sens. Ça ne voudra plus rien dire. Il suffira d'acheter des joueurs pour fabriquer des équipes qui feront des performances physiques et des spectacles de rugby supérieurs, mais qui ne feront plus cette introduction du sens dans l'individu et dans son groupe social, dans son village ou dans son club. Donc on gagnera en spectacle, on perdra en sens. Et personnellement, je passe une bien plus agréable après-midi si je vois une équipe de copains jouer, gagner ou perdre, si je sais qu'il y aura une troisième mi-temps, surtout s'il m'invite, je sais que à ce moment-là, il y aura un effet culturel bien plus grand, même si le spectacle est moins beau. Si les bourriques commencent à prendre un peu de ventre, eh bien je leur pardonnerai si leur effort physique a du sens et raconte une histoire, alors que s'ils sont beaux, rapides, mais si leur acte est technique et dépourvu de sens, je m'ennuierai. Vous avez sans doute reconnu la voix de Boris Cyrulnik, c'était sur France Culture en 1994. Avant donc la professionnalisation du rugby, il a des arguments qui vous paraissent recevables, Daniel Herrero ? Authentiquement recevables. Un, par considération pour la personne et sa réflexion. Que je précise quand même que Boris Cyrulnik est lui mon ami, il est de mon périmètre toulonnais, il habite dans la Rade et il m'a même entantiné, accompagné dans mon aventure d'entraîneur. Il était un des partenaires, non pas que je consultais, mais avec qui je m'entretenais régulièrement et avec plaisir et avec intérêt, je ne sais pas, j'irai pas jusque là, mais avec considération, je dirais. Ouais. Alors lui, en 94, bon, ça c'est un peu les calendes grecques malgré tout, quoi. Hein, le propos est oula, il s'en arrivait avec la professionnalisation, professionnelle. C'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à un travail. Tu vois, la pratique va ressembler à un travail alors qu'elle ne ressemblait qu'à un jeu. Qu'est-ce que ça change ? Mais le jeu, il est totalement désintéressé de fait. La performance qui naît du jeu, tu vois, elle s'enchaîne du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Elle ne laisse que peu de traces dans le destin de l'humanité, de fait. Tu vois, voilà. Le jeu est de persécution plaisir immédiate. Tu vois, le jeu va accorder une légèreté incontestable à l'aventure. Rien n'est important ou rien n'est décisif. Rien n'est colossal pour autre chose que l'instant, je dirais. Le jeu, c'est carpe diem, hein, tu vois, c'est le jeu, c'est consomme maintenant, là, ouais, allez, vas-y, Le travail, où quand on est passé, et ces années-là, quoi, grosso modo de 90 à 2000, quoi, hein, et en 95, la sanction, l'institutionnalisation ordonne, enfin, ordonne la loi du professionnalisme. Donc, quand on est passé de sportif au rugbyman, pour passer une belle jeunesse, ou pour vivre une belle jeunesse, à sportif et rugbyman, de haut niveau et d'élite quand même, donc tout petit nombre, hein, mais pour réussir sa vie, mais de la belle jeunesse, tu vois, de l'adolescent pubère, de l'impertinence, de l'impertinence de l'instant de l'adolescent pubère. Ouais. Tu vois ça, de la légèreté de la sanction. Bon, on nous a bien dit que gagner le tournoi des nations, c'était conséquent, ou gagner le championnat, c'était malgré tout assez conséquent. Mais enfin, ça va, hein, souffle, respire. Hein. Aucun d'entre nous n'a pris le melon sur ça, quoi. Apprendre le melon, c'est une expression un peu étrange. Se melonner. Tu vois, quand ta tête devient très ronde. Oui, je vois. Tu vois ça. Ben, quand tu te melones, quoi. Quand à un moment, tu te prends pour quelqu'un d'autre parce que t'as gagné un match. Ça va, sport. Souffle, respire. On est assez loin de ça. Ah, le jour où tu vas, et Boris le dit, il emploie le mot de copain. La peur de prendre la grosse tête, en fait, c'est ça. Ouais, alors, il emploie le mot de copain. Au sens propre du terme, on dira, sans faire de l'étymologie régressive ou ordinaire, quoi. Ouais. Bon, ceux qui partagent le pain, ceux qui sont... Il dit, mais tant que c'était une équipe de copains, que le petit rustique et le bedonnant, que tu vois, que non pas, je veux dire, pas l'handicapé, mais le titulaire d'aptitude moyenne et le flamboyant pouvaient jouer ensemble, bien... Et parce que c'est ça la conséquence de la professionnalisation, c'est que tout le monde se ressemble, tous les joueurs se ressemblent, ça normalise. Voilà, on va aller vers une normalisation, et puis surtout, on va aller... L'équipe de copains va valoriser, je veux dire... Je sais pas, permettez-moi, mais va valoriser les choses du cœur, les choses du sensible, les choses de l'atome crochu, tu vois. Dès qu'on va passer à c'est ton travail, on va passer à des choses plus, on dira, si t'es payé pour accomplir une performance, quand même, on va passer à une dimension tellement différente moralement. Tu deviens, entre guillemets, mercenaire. C'est celui qui te paye, qui te demande aussi de défendre ses couleurs, de fait, quoi. Est-ce qu'un mercenaire peut être généreux? Donc vous le regrettez un peu? Un peu. Un peu. Mais j'ai une telle confiance dans la zone bonté de l'humain. Ah oui? Ouais, mais dans la zone de bonté, je vois bien qu'elle est très fluctuante. Et comme dirait quelqu'un aussi que j'aime beaucoup, je sais pas, Yves Coppens, n'oublie pas que l'humain, malgré tout, il est toujours sur la route de l'humain. Il n'est pas encore arrivé, hein. Tu vois, et sur la route de l'humain, il côtoie quand même toutes ces espèces de délinquances, à la fois affectives, émotionnelles, qui peuvent s'être dans son cœur. Tu vois, et entre autres, la relation avec les autres. Tu vois, et la relation avec les autres, le vivre ensemble, le vivre libre ensemble, mais tout ce monde-là, là, tu vois, au cœur de l'aventure. Là, ça chemine, et c'est jamais guéri, et c'est jamais gagné, et c'est en permanence, et c'est une constance, mais c'est une préoccupation de l'espèce, de fait, quoi. Et le jour où on se dirait, le mercenaire, c'est-à-dire celui qui va défendre des couleurs qui ne sont pas les siennes, qui ne sont même pas de sa culture, qui ne sont même pas de son cœur, mais qui va les défendre pour gagner sa vie, ou pour avoir de l'argent, ou pour s'inscrire dans le tissu social et y grandir, celui-là, il y a un peu un doute sur il est capable d'aimer ou non. Mais en même temps, heureusement qu'on peut être payé pour faire ce qui nous passionne, et ça ne veut pas dire que notre âme se corrompt. Voilà. Alors, mais là, on arrive encore au cœur du sujet. Moi, je pense qu'on doit te payer parce que ça te passionne. Si ça ne te passionne pas, bonne route. Viens nous apporter un peu d'eau, trois trucs. Tu ne gagneras pas beaucoup, hein. Parce que moi, je pense, et dans l'aventure sportive, pareil, l'amour que tu portes au jeu et l'amour que tu portes aux hommes reste malgré tout, aux hommes qui le jouent, je parle, reste malgré tout l'espérance permanente. Voilà. Il y a quelque chose de presque religieux dans votre manière d'en parler. Il peut y avoir. Il peut y avoir. J'aurais adoration, j'aurais affection, pour ne pas dire tendresse, avec Ovalie, moi. Ovalie, c'est Ovalie, le monde du rugby? Oui, un peu plus que ça, quand même. Je la mettrais dans une déesse grecque. Enfin, tu vois, je la mettrais quand même de cette famille-là. C'est pas une Athéna pour moi, mais enfin, tu vois, je la mettrais dans. Elle est porteuse donc d'une histoire, d'une morale, d'un rapport avec les dieux et d'un rapport avec les hommes. J'adore le joueur enthousiaste, moi. Ouais. J'adore le joueur enthousiaste. Tu vois, j'adore le pratiquant pétillant. Je suis très irrité par chaque fois que je vois un joueur, un entraîneur, et à plus forte raison, un fédéraste, hein, ou tout un fédéral, ou tout au moins un institution, quand dans ses yeux, il y a toute la misère du monde. Ça me détruit le ventre, tu vois. Mais par contre, enthousiasme, si je m'approche un peu, pourquoi il l'a ou pourquoi il l'a pas? Et je vois bien que quand tu t'approches que tu ne peux plus cerner, quoi. Si c'est enthousiasme, ça veut dire s'approcher un peu de ce monde des dieux, quand même, il y a Théo dedans, comme ton petit frère, quoi, tu vois. Je ne m'étonne pas qu'il aime le rugby, tu vois ça. Bah, et quelque part, ça me met la saveur, à un moment, moi, tu veux que je te dise, ouais. Je pense qu'au fond de mon jardin, je sais pas ce que c'est, hein, C'est une parole de mon père, c'est un vieux ballon dégonflé, c'est un maillot peut-être, hein. C'est une icône, je ne crois guère, mais enfin, il y a quelque chose au fond de mon jardin qui me fait, de mon jardin personnel, quoi, hein, qui me fait penser que quand même j'arrive dans un univers où le mystère reste permanent. Et le mystère permanent, c'est au fond, est-ce que les hommes sont bons? Le rugby, c'est une fête. Le rugby. Oh mon Dieu. Ce qui est très grave, c'est que je l'ai pas pratiqué. Et ça me manque énormément. Je n'ai pas pratiqué parce que j'ai fait beaucoup de sport, mais à Paris, ça ne se faisait pas beaucoup. Et quand j'ai découvert à la fois le rugby, les joueurs, le milieu du rugby, les fêtes que ça entraîne, alors là, j'ai été absolument conquis. Très, très, très heureux. Vous avez reconnu la voix qu'on vient d'entendre, Daniel Herrero ? Oui, alors je l'ai reconnue. Pour être très sincère, quand même, avec nos amis auditeurs, me l'as-tu soufflé, Adèle, à l'oreille. Moi, je pensais que vous le saviez de toute façon. Mais, oui, alors, lui, je le connaissais bien aussi, hein. Ce monsieur-là, Antoine Blondin. Un de nos maîtres en littérature. Un des grands de ce 20e siècle. Un des immenses, probablement, potentiels prix Nobel de littérature. Mais un étrange vivant, un épicurien régressif et un turbulent de la vie sociale, quoi. Ouais, bien. Qui fait que, donc, on l'a appelé, je sais pas, hussard et que nous, on aimerait l'appeler, vagabond des défaites, quoi. Tu vois, ou des défaites. Bon, Antoine Blondin, nul l'ignore, qu'il en a écrit pas beaucoup, hein. Qu'il en a écrit pas beaucoup, 5 ou 6 romans de fait, hein, qu'il en a bu énormément et qu'il a fait avec la bouteille une vraie compagne historique, quoi. Donc il a eu cette dégradation longue d'une trentaine d'années autour de l'alcool qui fait que sa main s'y aiguisait pour écrire des belles choses, quoi. Tu vois, c'était tari et abîmé. Mais enfin, quand même, dans la période de flamboyance, Antoine Blondin, d'où si Michel Serres est notre béni, tu vois, je ne veux pas dire de la philosophie, mais de la réflexion vers la compréhension ou vers la sagesse des choses du monde et notamment du sport et du rugby en particulier. Antoine Blondin, majeur, il a écrit sur le rugby. Et alors, il a écrit beau. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont écrit beau, hein. Il y en a qui ont écrit petit et beau. Je sais pas. François Sagan a eu 2 phrases, par exemple, tu vois. Voilà. Michel Piccoli ou Le Clésio a écrit 3 ou 4 trucs. Mais, je parle des hommes de littérature. Et Antoine, il a beaucoup écrit. Il a beaucoup, beaucoup écrit sur le rugby. Il a écrit une série de chroniques à la fois pour dans l'équipe. Il a écrit dans la grande série des chroniques dans l'équipe. Il cite aussi le jeu. Alors lui, il avait un tel goût, non pas de la bouteille, mais un tel goût, ce qu'il appelle les verres de contact, quoi, tu vois. Un tel goût de l'échange, de la convivialité, du festif, et un tel goût de l'âme vagabonde quand elle est affriolée par la présence des autres. Oui. Ah, tu vois. Et nous en rugby, ouais, il a quelqu'un qui. Mais alors lui, il n'a lu dans le jeu de rugby que le convivial, que le fraternel, que il n'était pas anarchiste de culture, hein, mais que le vagabondage ou l'errance délabrée derrière la pratique. Quoi. Ouais, oui, vous dites dans le dictionnaire amoureux à propos de Blondin, vous dites il fut la mascotte des nuits où les rugbymen endoloris s'ébrouent dans les effluves d'alcool, souvent consacrés au cœur vidé, la troisième mi-temps le trouvait aux côtés des champions mélancoliques, il leur offrait une épaule frêle et des compliments tendres. Parce qu'en plus, et les auditeurs peuvent l'entendre, là, j'ai lu quelques lignes de votre dictionnaire, j'ai rappelé que vous aviez beaucoup écrit, vous êtes amoureux du rugby, vous êtes amoureux des mots, on sent le plaisir que vous avez à écrire et à prononcer ces mots. Ah, j'ai sans doute, on m'a traversé les chemins du silence. Mon père était taiseux, ma mère était un petit peu conteuse, mais longtemps, l'école m'a un peu serré le champ de la parole. Mais enfin, bon, peu importe, je pense l'avoir un peu conquis ou un peu décortiqué ou tout au moins un peu écartelé dans le champ des troisième mi-temps de ma jeunesse sportive, de Benjamin, minime cadet. C'est autour de là que j'ai libéré de la parole. Et assez vite, hein, je pense, hein. Il m'apparaissait à la fois nécessaire, le mot racontait des histoires. J'ai eu des équivoques sur le sens des mots, j'ai pas eu des équivoques sur les histoires qu'il pouvait raconter. Tu vois ça? Ouais. Je pouvais me planter sur les mots, hein, mais chaque mot est une histoire. Je suis éperdument amoureux d'un dictionnaire, moi, tu vois, bizarrement. Et sans aucun doute. Ensuite, après, dans mon trajet personnel, quoi, tu vois, du rugbyman rustique de la mêlée ouverte contre l'équipe de Toulouse ou celle des, je sais pas moi, des Sud-Africains, dans ces périodes-là, j'ai un peu libéré de la parole en tant que joueur, mais enfin, j'ai surtout libéré des percussions, des plaquages et des hématomes sur la couane, quoi, tu vois. Mais ensuite, mon métier quand même est assez tôt. Je suis prof très tôt. Le métier d'enseignant me semble se baser presque à l'exclusive, certes sur un mimétisme postural. Je pense encore, le sportif que je suis, que tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais. Ça me paraît impensif, mais quand même, j'y suis très attaché. Mais je n'aime que la balade des mots derrière la balade sur terre. Ouais. Oui, parce que j'ai pas dit que vous aviez enseigné plusieurs années à l'université de Nice. Vous avez aussi, vous êtes intervenu à l'ENS de la rue d'Ulm, à l'ESSEC, à Sciences Po. Et vous intervenez encore aujourd'hui beaucoup dans votre dictionnaire amoureux. Au mot Alléluia, on lit ceci. Au collège de rugby, à cette lointaine époque où le jeu de rugby tâtonnait encore à la recherche de ses lois, une règle, décidée par les étudiants, voulait que les matchs se terminent toujours par 5 minutes de liberté totale. Étrange règle de la non-règle. Chacun pouvait alors s'en donner à cœur joie, éventuellement régler ses comptes dans le grand défoulement collectif. C'était les 5 minutes dites de l'Alléluia. Une main trace en l'air un demi-cercle assuré et vient trouver le nez qu'elle cherche depuis longtemps. Le bruit de branches cassées réjouit les visages. Alléluia ! Un gémissement étouffé sort péniblement d'un frêle thorax d'élève arrogant. Et l'écho vengeur chante « Alléluia ! » Coup dans les côtes, plaquage assassin, lèvres fendues, corps écrasé, alléluia, alléluia, alléluia. L'alléluia n'est pas un cri de guerre, c'est une exaltation qui vient conjurer les laideurs quotidiennes. Une fois la sanction tombée, le coup porté, tout peut rentrer dans l'ordre, comme après le carnaval, et c'en est fini des méfaits du tricheur, du snob, du menteur, du prétentieux. Alléluia. There was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Et sans surprise, Daniel Herrero, c'est vous qui avez proposé cette chanson de fin de Leonard Cohen, Alléluia. Oui, ah ouais, je l'ai proposé sincèrement. Hein, c'est sans doute le chant ou le poème mis en musique de Leonard Cohen qui me touche le plus. Mais en même temps, dans le panorama des sons et des musiques et des paroles et des poésies et donc des chants qui génèrent chez moi à la fois de l'appétence, de l'attachement et pour pas dire de l'adhésion, Alléluia. Ah ouais. Alors, mais alors effectivement, Alléluia, et je suis content de la petite parenthèse tout à l'heure, enfin de la façon dont Adèle tu as fini ce temps commun là avec la lecture de l'Alléluia. Moi, je le lis comme une allégresse. Je crois que ça veut dire ça, enfin dans le fond, dans l'histoire, dans l'étymologie, dans la route du mot, quelque chose d'allégresse. Et là, alors non pas lié quand même au jeu de rugby, honnêtement. Hein. tout ce que tu as lu tout à l'heure, elle me vient incontestablement du cœur. Et notamment de cette petite anecdote que je trouve éblouissante. Allez-y, on va terminer là-dessus. Tu vois, l'anecdote de dans le collège de Ruby, dans le lieu de... Ah oui, les 5 minutes de liberté totale. Voilà, les 5 minutes Alléluia. De liberté. Bon, je trouve ça à la fois magnifique. Un peu un espace de cathartie, un peu la rencontre, non pas d'une loi du talion anoblie, tu vois, non pas d'une rudesse balourde du monde, mais d'une sévérité généreuse, poétique. Voilà, et Alléluia pour moi de Leonard Cohen, sublime. Eh bien ici, c'est pas 5 minutes, c'est 2 minutes 30 qu'il nous reste, Daniel Herrero, et vous n'allez pas du tout faire ce que vous voulez, vous allez, comme tous les invités du vendredi, nous dire quels sont vos livres de chevet. Alors voilà, vous avez maintenant 2 minutes pour nous parler de 3 livres qui vous sont chers. Lequel choisissez-vous en premier ? Alors, à l'évidence, j'essaye de voir si le chevet, c'est la petite table qui accompagne mon lit, donc il fait que c'est dans le dernier restant du jour où je vais, en étendant la main, prendre quelque chose de confortable et qui reste et qui dure et qui traînasse et qui est toujours présent en même temps. Et là, on trouve quoi ? Le 1 pour moi, mais au moins dans les 5-6 dernières années, pas de toute mon histoire, évidemment, ouais. il n'a pas fait ma vie, mais le 1, c'est vraiment l'Odyssée d'Homère, vraiment le cœur. Je l'ai toujours là. Je l'ai découvert sur le tard, je l'avais côtoyé à des degrés divers ou en scolarité ou dans des métaphores balourdes de la vie des idées, mais j'ai fait le voyage d'Ulysse sur un vieux bateau, j'ai parcouru un peu les différentes étapes de ce qu'on appelle le voyage d'Ulysse, quoi, de Troyes à Ithaque en passant par une quinzaine d'épreuves. Je l'ai fait avec un beau bateau, j'ai dit un petit bateau, on a un beau bateau avec un de mes meilleurs amis, nous avons un peu cheminé comme ça. Et, un peu avant, fatalement, je m'étais un peu en curiosité, mis un peu en goût sur les choses. J'ai lu mille histoires me le racontant, l'Odyssée d'Homère, ouais. Jusqu'au jour, enfin, je me suis dit, il est légitime quand même d'y aller mettre un peu le nez. Éblouissant, dévastateur. Je vois bien toutes les beautés de cette histoire-là et toutes les équivoques même, tu vois. Et pas uniquement dans le féminin ou dans les violences ou dans le machisme régressif du pauvre Ulysse. Franchement, j'ai adoré. En deux, je mettrai fatalement parce que je l'ai. Lui, c'est un petit frère de route, enfin, ou c'est un grand frère. Je disais Boris, il en sort un tous les 15 jours d'ouvrage. C'est Boris, c'est toujours à côté de moi, quoi. Ouais. Voilà. Bon, celui-là, je l'ai le dernier, je l'ai un peu au moment parce qu'il me fait rêver. Et en trois, je mettrai. Oui. Il me fait pas rêver, Boris. Il me fait chaud. Il me fait bon, il me fait doux, quoi. Voilà, il me fait. Je fais toujours un petit bout de route avec lui, avec 5 minutes de science et une heure de blabla. Mais j'adore. Voilà. Et en même temps, Philippe Jacoté, si ça te dit, tu vois. Philippe, ah bah bien sûr qu'il nous a quitté il y a très peu de temps. C'est lui qui traduit le plus bel Homère, la plus belle Odyssée. Il y en a eu 1000 de traductions, tu vois bien. Mais celle de Jacoté, vraiment. Bon, lui, c'est un peu. Il vient de partir au frigo. Il y a pas si longtemps, vous le savez. Il a un immense talent de poète, je pense. Et là, il est parti vers les étoiles. Il y a 3 semaines, un petit mois peut-être même pas. Donc j'en ai pris un, non pas au hasard, je connais un peu son œuvre, et j'ai pris un qui s'appelle À la lumière d'hiver, c'est-à-dire quand les choses sont un peu sombres, quand le froid dur t'enveloppe, mais que la vie a encore des beautés, avant peut-être le grand départ. Voilà, et Philippe Jacoté, honnêtement, c'était aussi à mes yeux un seigneur de la poésie contemporaine. Merci infiniment Daniel Herrero d'être venu ce matin nous parler de rugby, de vous, de poésie aussi. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro. On mettra en ligne votre bibliographie. Elle est riche, elle est passionnante et j'invite chaque auditeur à s'y référer. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aident chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Laurence Malonda à la réalisation aujourd'hui avec Jean-Guilain Meige à la prise de son. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie autour de la Bhagavad Gita, le texte indien, archaïque, absolument passionnant. On se demandera si c'est un guide pour bien agir. On se demandera comment Krishna peut-il nous libérer. Est-ce que le yoga est un voyage intérieur? Et enfin, quelle est la dimension universelle de cette œuvre? Ça s'avère passionnant et ce sera donc dès lundi 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en compagnie de Daniel Herrero en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie, ou en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À lundi, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.